l'incompréhension, mais aussi l'horreur. Que s'est-il vraiment passé au cours de cette nuit du 26 octobre, quand les troupes spéciales russes ont envahi le théâtre moscovite où un commando tchétchène retenait 700 otages? Quel gaz mortel a été utilisé? Pourquoi les autorités russes n'ont-elles toujours pas révélé la nature de ce gaz, même aux médecins qui essayaient de sauver les otages gravement atteints? Pourquoi aussi les assaillants ont-ils tué tous les ravisseurs alors que ces derniers se trouvaient déjà hors d'état de nuire? Et n'aurait-il pas été plus utile de les capturer afin de comprendre comment ce commando surarmé avait pu pénétrer jusqu'au cœur de la capitale? Et enfin, comment justifier la terrible décision prise au Kremlin? Une décision qui s'est traduite par la mort de 150 personnes, peut-être même 200. Vladimir Poutine, car c'est lui qui a donné l'ordre de prendre d'assaut le théâtre de la rue Dubrovka, a exprimé ses regrets aux proches des otages tués, mais il s'est présenté aussi comme le vainqueur d'une opération jugée nécessaire au nom de la lutte contre le terrorisme. Alors, et ce n'est pas la moindre des questions, qui est vraiment ce Vladimir Poutine qui était encore un inconnu il y a 3 ans et qui a conquis le pouvoir, semble-t-il, justement en se servant de la question tchétchène? Difficile d'oublier, surtout après cette dramatique affaire, que le président russe a fait l'essentiel de sa carrière au KGB. C'est pourquoi j'ai demandé à M. X de revenir sur le passé de Poutine et de m'expliquer comment ce simple lieutenant-colonel des services spéciaux a pu s'emparer du Kremlin. Ça, je l'ai souvent dit, quand on a appartenu au service secret, on n'en sort jamais tout à fait. Ouais, vous êtes bien placé pour le savoir. Enfin, libre à vous de le penser. Non, ce que je veux dire, c'est qu'un homme comme Vladimir Poutine est un parfait produit du système soviétique dont le KGB était le bras d'armée. Et il en a gardé des réflexes. Pour comprendre ce qu'était le KGB, il suffit d'observer ses armoires. Ah oui, le glaive et le bouclier. Oui, le glaive, c'est pour les actions menées à l'extérieur du pays, l'espionnage, la désinformation, les opérations spéciales. Mais le bouclier, c'est l'action intérieure, c'est-à-dire essentiellement le contrôle de la population. Oui, police politique. Mais Poutine, au sein du KGB, se trouvait du côté du bouclier, contrairement à ce qu'on a souvent prétendu. Ça explique beaucoup de choses, mais n'allons pas trop vite. Remarquons simplement que le président russe a truffé l'appareil d'État et la haute administration d'hommes qui, comme lui, ont appartenu au KGB ou à l'organisme qui lui a succédé, le FSB. Et quand Poutine est-il entré, lui, au KGB ? Il paraît que chez le jeune Poutine, c'était une obsession, une véritable idée fixe. Une vocation, vous voulez dire? Ah, encore qu'il faille se méfier. Ah bon, vous avez de bonnes raisons pour ça? Bon, Poutine a soigneusement arrangé sa propre biographie, et comme par hasard, beaucoup de documents le concernant ont disparu ou ont été détruits. Même de simples dossiers scolaires ou universitaires. Ah, parce qu'il avait des choses à cacher. Oui, il y a le mal partout. Moi. Alors reprenons et contentons-nous de la légende que Poutine lui-même a propagée. Le jeune Vladimir a été fortement impressionné par les films où l'on voit des James Bond soviétiques triompher avec panache de leurs adversaires occidentaux. Oui, des films de propagande. Évidemment. Ouais. Mais les James Bond de l'Ouest ne sont-ils pas aussi, dans une certaine mesure, des œuvres de propagande? Je vous laisse mettre. Bon, oui, bon, je parle bien sûr de ceux qui ont été produits pendant la période de la guerre froide. C'est une parenthèse. Donc, Poutine, qui rêve de devenir agent secret, se présente tout benoîtement dans un bureau du KGB. Ah bon, et à quel endroit là? À Leningrad, de sa ville natale. Quel âge a-t-il alors? 17 ans. C'est un lycéen brillant, mais plutôt introverti. Un bûcheur qui préfère travailler plutôt que de fréquenter les soirées dansantes organisées par ses camarades. Pas très bien. Hein? Non, seule distraction qu'il se permet, le judo, où paraît-il, il est très bon. Et d'un mot, sa famille hein? Modeste. Son père, qui pendant la guerre a été membre du NKVD. Le NKVD, il faut le préciser, c'est l'ancêtre du KGB. C'est juste. Son père donc travaille dans une usine où l'on fabrique des wagons. Naturellement, c'est un membre du Parti communiste. D'accord. Mais enfin, alors, que répond-on à Poutine là, lorsqu'il se présente au KGB? On le trouve trop jeune. Et puis la tradition veut que l'on ne choisisse pas d'entrer au KGB. C'est le centre qui vous choisit. Donc il n'est pas accepté? Non, mais on lui donne un précieux conseil. Fais des études de droit, c'est la meilleure façon de pouvoir entrer chez nous. Ah, s'il est aussi obsédé que vous le dites, il obéit, j'imagine. Bien entendu, et ce faisant, il déçoit son père qui voulait faire de lui un ingénieur. Mais va-t-il enfin être contacté par le KGB? Tout au long de ses études de droit, il l'attend. Et il pense qu'on l'a oublié. Toutefois, après l'obtention de son diplôme, on lui fait enfin signe. Il a alors un peu plus d'une vingtaine d'années. Oui, mais pourquoi fait-on appel à lui alors? Parce qu'il était l'un des meilleurs étudiants de sa promotion. Ah, quand même. En tout cas, ce qu'il a toujours prétendu. Et il va donc réaliser son rêve de jeunesse, devenir espion. Pas tout à fait. C'est-à-dire là... Vladimir Poutine s'imagine devenir espion en Occident, participer en tant qu'illégal à la grande chasse aux renseignements. Une vie d'aventure. Oui, mais ce qu'on lui propose est beaucoup plus terne. Et pour tout dire, pas très reluisant. Le jeune Poutine est chargé de traquer les dissidents. Ah oui, c'est-à-dire le bouclier, comme vous disiez tout à l'heure. Là. C'est cela, oui. Mmh. Et malgré les stages qu'il va suivre et les promotions dont il bénéficiera, il ne sera jamais James Bond. Ouais. Il me semble pourtant, attendez, quand même, il a été en poste à l'étranger. C'est exact, en Allemagne, mais pas du bon côté. Oui, en RDA, c'est ça. Oui, et malgré les exploits que lui prêteront ses biographes les plus zélés, il n'exercera jamais qu'un travail de bureaucrate en RDA. Et bien sûr, il collaborera étroitement avec la Stasi. Ah, la police politique est-allemande. Après tout, Poutine s'est déjà fait une spécialité de la chasse aux dissidents et du renseignement politique. Un petit détail avant de voir la suite de sa carrière. Quand on envisage de l'envoyer en Allemagne, on s'aperçoit que Poutine, qui a presque 30 ans, n'est pas marié. Or, le KGB n'expédie jamais un agent célibataire dans un pays étranger, même un pays ami. Oui. Ça se comprend. Alors, Poutine a donc dû se marier sur ordre. Oui, apparemment, il a longtemps hésité. Parce que ce n'est que 3 ans après avoir rencontré Lunmila, une charmante hôtesse de l'air, qu'il s'est décidé à sauter le pas. Mais enfin, passons. Car je serais bien incapable de vous fournir le moindre détail sur la vie sentimentale du maître du Kremlin. Ouais. Attends, on est alors dans quelles années, là? La deuxième moitié des années 80. Mmh. Et c'est d'Allemagne de l'Est qu'il va assister au démantèlement de l'Empire soviétique. Mmh. La chute du mur, et puis tous les événements qui vont suivre. Oui. Et comment... Personnellement, vit-il cela ? Oh, Poutine est un homme d'ordre, un fonctionnaire zélé. Il ne peut donc pas approuver les spectacles auxquels il assiste. Hein. Le saccage des locaux de la Stasi, par exemple. Mais il est assez intelligent pour comprendre qu'un nouveau monde est en train de naître et que, s'il veut surnager, il devra tôt ou tard rejoindre le camp des vainqueurs. Et d'après des sources assez concordantes, il a déjà, bien avant la chute du mur, commencé à préparer son avenir. Et ça signifie quoi, ça, alors ? Eh bien, les gens du KGB étaient les mieux placés pour trafiquer. Pour améliorer leur modeste solde et prendre des contacts avec certains cercles économiques, ou même envisager sérieusement de devenir eux-mêmes des hommes d'affaires dès que le système soviétique commencera à se fissurer. Oui, alors, Poutine aurait été de cela. Ben, pourquoi pas? Oui. Enfin, ça, on ne le saura jamais, car il a pris soin de brûler toutes ses archives lorsqu'il est entré en URSS en 1990. Oui. Alors, pas d'archives, d'accord. Mais que fait-il lorsqu'il revient chez lui? Ben, il est toujours officier du KGB. Et s'il avait été le grand espion qu'il prétendait être, on lui aurait certainement demandé de rejoindre le Saint des Saints, c'est-à-dire le siège du centre à Moscou, et particulièrement le département S, chargé des illégaux ou la ligne X, responsable de l'espionnage scientifique. Mais pas du tout. Et si vous me passez l'expression, Poutine est mis au placard. Au placard. Et ça se traduit comment ? Il est nommé adjoint du président de l'université de Leningrad, qui va bientôt redevenir Saint-Pétersbourg. Il y est apparemment chargé des relations extérieures. Mais les étudiants, eux, le soupçonnent d'avoir été placé là pour les surveiller. Et bientôt, ils l'affublent du nom de Stasi. Pas bien gentil. Non, mais enfin, Stasi va rester très peu de temps à ce poste. Bientôt, le maire réformateur de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak, lui propose de devenir son chef de cabinet. Une promotion flatteuse, mais est-ce que ce Sobchak sait que Vladimir Poutine est un homme du KGB ? Oh, très certainement, et au fond, ça l'arrange. Il n'est jamais inutile pour le maire d'une grande ville encore soviétique d'avoir dans son entourage un homme des services secrets susceptible de lui fournir de précieuses informations. Quant au KGB, il ne devait pas regretter d'avoir l'un de ses agents infiltré dans le premier cercle d'une des figures montantes du mouvement réformateur. Ouais, au fond, chacun y trouvait son compte. Ça, j'en suis certain, oui. J'ajoute que Poutine affirma toujours que, trouvant cette double casquette un peu embarrassante, il a envoyé une lettre de démission au KGB. Mais... on ne lui répondra jamais. Attendez, une lettre égarée, c'est comme difficile à croire. Oui, je suis d'accord avec vous. Et toujours d'après Poutine, il enverra une deuxième lettre de démission après le putsch de 1991. Une démission dont on ne sait toujours pas si elle a été acceptée ou pas. Ouais, bizarre, hein? Mais peu importe, enfin, puisque je vous ai dit au début de cette conversation que lorsqu'on a appartenu au service secret, on n'en sort jamais vraiment. Toutefois, l'important n'est pas là. Ce qui compte, ce sont les fonctions qu'occupe Poutine à la mairie de Saint-Pétersbourg, où bientôt il va devenir le numéro 2. Mais il n'est pas élu. Non, mais rapidement, il sera indispensable. Comme à l'université, il s'occupera des relations extérieures. Et à Saint-Pétersbourg, ça consiste essentiellement à attirer des investisseurs étrangers. Un travail qu'il met en contact avec de très nombreux hommes d'affaires qui lui seront bien utiles plus tard. Dans un article de Politique internationale paru à l'automne 2000, une journaliste du Monde, Sophie Chiab, n'hésite pas à écrire que c'est pendant son séjour en RDA que Vladimir Poutine a noué de précieuses relations avec des hommes d'affaires ou des trafiquants. Je la cite. On ne trouve bien sûr aucune mention d'une telle initiation au mécanisme de marché dans la biographie de M. Poutine, officialisée par son livre d'interview préélectoral. De 85 à 90, dit-il, il travaillait à Dresde pour le renseignement politique. À en croire la presse allemande, le seul agent qu'il ait jamais recruté fut retourné par des services occidentaux. Mais le plus probable, dans la mesure où le jeune diplômé en droit n'a pas été admis à l'école supérieure du KGB, est qu'il n'a jamais été espion. D'après les témoignages d'anciens résidents soviétiques de Dresde, recueillis par l'ex-dissident Sergueï Kovalev, Poutine était un simple flic de leur communauté. Mais ni une expérience d'espion, ni a fortiori de mouchard, ne peuvent expliquer à elles seules comment un obscur officier du KGB, il y en avait des centaines comme moi, vaut-il lui-même, s'est retrouvé dès son retour d'Allemagne en 1990 en charge des relations économiques extérieures du premier port de la Russie et de sa deuxième ville avec le titre de numéro 2 de la mairie de Saint-Pétersbourg. Ah, comment peut-on expliquer l'ascension sociale et politique de Vladimir Poutine ? Il n'y a qu'une seule explication. Le futur président a su se montrer indispensable. Mais indispensable à quoi, ou à qui ? Indispensable au maire, Anatoly Sobchak. Oui, mais à cause de son appartenance au KGB, c'est ça. Pas seulement. Mais c'est vrai que Poutine, dès cette époque, peut compter sur cette véritable toile d'araignée tissée par les membres du KGB. Tous ces hommes qui, à la faveur de la perestroïka et de l'effondrement de l'URSS, vont peu à peu s'emparer des principales richesses de l'Empire soviétique. Bon, il faut bien que vous sachiez que la mafia existait déjà. Oui, la mafia rouge. C'était le Parti communiste qui contrôlait le système. Et les hommes du KGB, qui étaient forcément membres du parti, étaient bien placés pour connaître tous les rouages de ce système. Mais ils vont, si je puis dire, perfectionner le système et donner une ampleur encore jamais vue à cette corruption généralisée. Donc Poutine peut compter sur ce terreau mafieux. Incontestablement. En outre, comme je vous l'ai laissé entendre, dès son séjour en RDA, il a noué des contacts très intéressants. Ouais, je veux bien vous croire, mais enfin, si je vous suis bien, vous considérez que Poutine, lui aussi, appartient à ce système mafieux. Ah, je n'ai pas dit ça. Et franchement, même si Poutine a failli être éclaboussé par quelques affaires pas très nettes, je pense qu'il a été très prudent et qu'il a bien pris garde de ne pas trop se compromettre. Et c'est assez méritoire, parce qu'au fil des années, Saint-Pétersbourg est devenue la véritable capitale de la criminalité russe. Vous parlez quand même d'affaires peu nettes. C'était presque inévitable. Il y a eu en particulier une affaire de troc qui a failli lui coûter très cher. Ah bon, de quoi s'agissait-il là ? Fin 1991, je crois. La deuxième ville de Russie a connu une véritable pénurie alimentaire. Et Poutine a obtenu du gouvernement de pouvoir troquer du pétrole et des métaux non ferreux contre de la viande, de l'huile, du beurre, etc. Naturellement, ce sont des intermédiaires qui se sont chargés de ce curieux commerce. Et non seulement ces intermédiaires se sont grassement enrichis, mais très peu de produits alimentaires sont réellement arrivés à Saint-Pétersbourg. C'est pas très étonnant, mais le rôle de Poutine dans cette affaire-là ? Il a pour le moins manqué de vigilance. Il y a certainement eu une enquête. Oui. Les inspecteurs du ministère de l'Intérieur sont venus de Moscou. Ils sont restés 15 jours et ils sont repartis. Mais ça n'a pas été plus loin. Alors. Non, et Poutine n'a pas été inquiété. Il a donc conservé son poste de numéro 2, là, c'est ça ? Jusqu'en 1996, c'est-à-dire jusqu'à la défaite électorale de son mentor, Sobchak. Mais après cette désastreuse affaire de troc, Poutine sera désormais plus prudent. Toutefois, il est certain qu'il continuera à avoir des contacts nourris avec les milieux économiques et donc forcément avec la mafia russe. Oui, puisque ces milieux étaient gangrénés. Hein. Oui, mais ça transpirera d'une étrange façon. En 1999, lorsque Poutine, premier ministre de Boris Eltsine, déclarera, après les attentats attribués aux Tchétchènes, qu'il allait, je cite, « buter les terroristes jusque dans les chiottes ». Oui, je me souviens de cette expression. Et on s'était quand même un peu étonné qu'un dirigeant utilise un tel langage. Un langage vulgaire et brutal qui a beaucoup plu aux Russes et qui a fait beaucoup pour la popularité de Vladimir Poutine. Sans doute, mais le rapport avec la mafia, là... Eh bien, cette expression est typiquement une expression du milieu. En Russie, ce sont les caïds qui parlent ainsi. Je veux bien, mais... Ça ne signifie pas pour autant que Poutine faisait partie du milieu. Je n'ai pas dit ça, j'ai simplement dit qu'il avait forcément fréquenté des hommes appartenant à ce milieu. Ouais, ça ressemblait quand même à une assimilation. Bon, alors, en 1996, il quitte la mairie de Saint-Pétersbourg. Oui, il faut mettre à son crédit qu'il a refusé de travailler pour le nouveau maire qui avait battu son protecteur Sobchak. Ouais, alors que fait-il ? Pendant ces années passées à la mairie de Saint-Pétersbourg, Poutine s'est fait beaucoup de relations. En particulier chez les économistes libéraux qui règnent en maître au Kremlin. Mais tous les artisans des privatisations. Oui, alors assez rapidement, on l'appelle à Moscou. Et après quelques péripéties, il est appelé à devenir l'adjoint de Pavel Borodine, un homme qui occupe un poste clé puisqu'il est le chef de l'administration présidentielle. C'est lui qui gère en particulier l'héritage du Parti communiste en Russie et à l'étranger. Ça consiste en quoi, ça ? Il y a d'abord un formidable patrimoine immobilier, des bâtiments officiels, des terrains constructibles, des complexes hôteliers. Mais il y a aussi un parc automobile, une compagnie aérienne, enfin bref, un véritable pactole. Et disons-le tout de suite, sa gestion permet de s'en mettre plein les poches. On estime qu'entre 1996 et 1998, Pavel Borodine détournera personnellement près de 25 millions de dollars. Ah oui, personnellement. Et Poutine est son adjoint. Oui. Ouais, bah, il touche, lui aussi. Ah, tout le monde est corrompu, à commencer par les proches de Boris Eltsine, ceux qu'on désigne par ce terme significatif, la famille. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, je ne sais pas si Poutine touche, pour reprendre votre expression, mais enfin, c'est pas ça le plus important. Quoi alors ? Au cours de ces deux années qu'il passe aux côtés de Borodine, l'ancien officier du KGB ne peut pas ignorer les magouilles de l'entourage présidentiel et des principaux hommes politiques russes. Comme il sait aussi de quelle façon se sont construites les fortunes colossales de ceux qu'on appelle là-bas les oligarques ou les boyards. Ceux qui ont bénéficié des privatisations essentiellement. Et qui ont mis la main sur des pans entiers de l'économie. Ouais. Poutine détient donc des informations très très précieuses. Vous avez compris. Quand on possède ce genre de renseignements, on est très puissant. Et très influent. Et après ces deux années passées au Kremlin, on demande à Poutine de prendre la direction du FSB. Les FSB, ce sont les services secrets. Bah, au fond, il revient à ses premières amours. Oui, mais au plus haut niveau. C'est le patron, maintenant. Et il est à la tête d'un formidable réseau. Les hommes de l'ancien KGB ont en effet essaimé dans tous les secteurs de la société. Les conglomérats industriels, les partis politiques, les banques, etc. Et ils ont aussi profité de leurs compétences pour créer des officines qui assurent la sécurité de tous ces organismes. Et ces hommes ont gardé des relations avec leur ancien service ? Je vous le répète encore une fois, quand on a été KGBiste, on le reste toute sa vie. Ouais. Et c'est parce que Poutine possède des dossiers, parce que c'est bien ce que vous avez dit, hein, qu'il a été nommé à ce poste. Pas seulement, il y a le feu dans la maison Eltsine, la famille est aux abois. Les malversations commises par Borodine font l'objet d'une enquête judiciaire en Suisse, où l'intendant du Kremlin a blanchi cet argent sale. On dit même que les milliards de dollars prêtés par le FMI, le Fonds monétaire international, ont atterri directement sur les comptes de proches de Boris Eltsine. Enfin bref, il faut agir vite. D'autant que le procureur général, Yuri Skouratov, a décidé de mener une lutte sans merci contre la corruption. Mais c'est le Kremlin qui est donc dans la ligne de mire. Hein. Exactement. Mmh. Ajoutons que la Russie connaît une situation catastrophique. C'est le chaos, la débandade. Le krach d'août 99 a fait exploser le système bancaire. Et des millions de Russes vivent de façon précaire, alors même qu'on estime que la mafia a réussi à placer à l'étranger entre 600 et 1000 milliards de dollars. Alors, la nomination de Poutine à la tête des services secrets n'est pas innocente. L'ancien officier du KGB est chargé de mettre de l'ordre et surtout d'éviter que Boris Eltsine ne soit personnellement compromis. Revenons un instant sur cette affaire de troc à Saint-Pétersbourg qui faillit coûter très cher à Vladimir Poutine. Voici comment la raconte Pierre Lorrain dans sa biographie du président russe, parue en 2000 aux éditions du Rocher, une biographie jugée généralement plutôt aimable. Je cite Lorrain. La municipalité de Saint-Pétersbourg fut autorisée à exporter 150 000 tonnes de produits pétroliers, 750 000 stères de bois, 14 000 tonnes de métaux rares et 30 000 tonnes de métaux ferreux, 20 000 tonnes de ciment, etc. En l'espace de 4 jours, le comité de M. Poutine signa 19 contrats avec diverses structures commerciales qui, pour la plupart, venaient de se créer en profitant des nouvelles conditions économiques consécutives à l'effondrement de l'URSS. Le problème était qu'aucune ou presque de ces entreprises n'était connue des services de la ville. Autre anomalie, les contrats étaient remplis d'erreurs et pour certains, ils n'étaient même pas signés par l'une des deux parties. De plus, les prix de vente indiqués pour chaque marchandise, notamment les métaux rares, étaient sous-évalués de plusieurs dizaines de fois. Le résultat de ces contrats de troc d'une valeur de 122 millions de dollars fut l'arrivée à Saint-Pétersbourg, début février, de deux cargos d'huile de table. Le conseil municipal nomma une commission d'enquête qui conclut à la responsabilité de M. Poutine et recommanda au maire de le démettre de ses fonctions. Fidèle à son habitude, l'intéressé fit face et se défendit, documents à l'appui. Il explique aujourd'hui que les accusations portées ne tenaient pas compte du contexte économique de l'époque et qu'elles étaient le fait d'adversaires politiques qui cherchaient à affaiblir le maire à travers lui. L'affaire n'eut pas de suite judiciaire. Le parquet n'ouvrit pas d'informations parce que, d'après le procureur, aucun délit n'avait été commis. Comment Poutine a-t-il procédé pour protéger Boris Eltsine ? C'est très simple. En compromettant celui qui voulait compromettre le tsar, comme on l'appelait. et avec une méthode que n'aurait pas reniée l'ancien KGB. Ah, ça vaut une explication, ça. Oui, bon, donc au début de l'année 1999, une chaîne de télévision russe a diffusé une cassette vidéo où l'on voyait le procureur général batifolé avec deux jeunes femmes dans le plus simple appareil. Résultat, Yuri Skouratov est aussitôt démis de ses fonctions. Et l'enquête sur les malversations du clan Etsin a ainsi été neutralisée. Mmh. Une question quand même, cette cassette-là. Vous voulez dire, était-elle authentique? Bah oui. Mmh. Eh bien, je peux vous dire que l'homme qu'on voyait sur ce film ressemblait vraiment beaucoup au procureur. Ouais, mais ce n'était pas forcément lui. Bah, c'est bien ce que je voulais dire. Ah, bon, d'accord. Mais comment pouvez-vous accuser Vladimir Poutine d'avoir fabriqué cette cassette? Je n'ai aucune certitude, mais enfin, ça ressemble tellement au procédé utilisé par le KGB que je n'ai guère de doute. Il faut également remarquer que ce procureur malveillant était très proche du premier ministre de l'époque, Primakov, un homme détesté par la famille et décidé lui aussi à nettoyer les écuries d'Augias. Puis un homme qui pouvait aussi se poser en rival de Poutine dans la course à la présidence. Bien sûr, car dès cette année 99, Vladimir Poutine est persuadé qu'il est promis au plus haut de destinée. Parce qu'il a rendu un immense service à Boris Yeltsin. Naturellement, et tout service rendu se paye un jour ou l'autre. Ouais. Et puis, il y a tous ces dossiers-là que détient Poutine. Oui. Première récompense pour l'ancien KGBiste, il est nommé à la tête du Conseil de sécurité. L'ascension continue, là. Et aussi le recours aux vieilles méthodes. Poutine ordonne, par exemple, que soient constitués des dossiers sur les journalistes un peu trop indépendants. Sont visés en priorité ceux qui enquêtent sur les magouilles de la famille. Normal. Et la deuxième récompense ne tarde pas. En août 99, Poutine est nommé Premier ministre. À la place de Primakov. Hein, non. Entre-temps, il y a eu un autre Premier ministre, très éphémère celui-là. Mais il faut dire que dans les dernières années de son règne, Eltsine a usé beaucoup de Premier ministre. Ouais. Pour l'opinion internationale, et même, je l'imagine, pour l'opinion russe, Poutine est alors un quasi-inconnu. Oui, d'autant que le futur président a pris soin de ses fonctions à la tête des services secrets, le lui permettait de nettoyer soigneusement tout ce qui pouvait être embarrassant dans sa biographie. On a donc l'impression que c'est un homme tout neuf qui arrive au pouvoir. Beaucoup plus jeune que Eltsine et plus sobre aussi. Ça, c'était pas difficile. Hein. En effet, mais enfin, dans ce pays désespéré où l'état de droit n'existait plus, où les impôts n'étaient même plus collectés, il fallait aussi que très vite ce nouveau Premier ministre, peut-être destiné à succéder un jour au tsar Eltsine, apparaisse comme un homme à poigne capable de donner un nouveau souffle à la Russie et même de lutter contre la corruption. Oui, un nationaliste aussi. Bien évidemment. Les références à la Russie éternelle sont toujours les bienvenues. Et c'est vrai que Poutine, très proche du lobby militaro-industriel, prend vite des positions très anti-américaines, très anti-occidentales. Mais c'est sur la question tchétchène qu'il va bâtir sa réputation d'homme fort. Et c'est là que la manipulation commence. Une manipulation qui va faire des milliers de morts. Oui, vous pouvez parler de la deuxième guerre de Tchétchénie. Oui, ça commence de façon très étrange. En août 1999. Et là, Poutine, là, vient tout juste d'être nommé Premier ministre. Oui, hein, oui. Donc ce mois-là, un chef islamiste tchétchène, Chamil Basayev, franchit avec ses troupes la frontière entre le Daghestan et la Tchétchénie. Son objectif avoué, c'est de libérer la petite république du Daghestan du joug russe. Il faut rappeler, enfin, le Daghestan étant, comme la Tchétchénie, hein, peuplé en majorité de musulmans. Oui, tout à fait. Une question avant de poursuivre. La Tchétchénie vit alors en paix? Oui, depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis la signature d'un accord de cessez-le-feu entre le général Lebed et le président tchétchène Maskhadov. Rappelons simplement pour mémoire que la première guerre qui a duré 2 ans a causé la mort de dizaines de milliers de Russes et de Tchétchènes. Et puis causé la destruction de la capitale, Grozny. Hein. Enfin, si vous voulez bien, un jour, nous reviendrons sur la question tchétchène, sur laquelle flotte aussi une forte odeur de pétrole. D'accord, je m'en souviendrai. Alors Basayev, eh bien, il passe au Daghestan, attaque les forces russes qui sont présentes, puis sortir. Ouais, c'est-à-dire qu'il repasse en Tchétchénie. Oui, et curieusement, l'armée russe ne s'oppose pas à son retour dans son pays. Alors c'est pour ça que vous parlez de manipulation? Le but de la manœuvre, c'était de provoquer de très sérieux incidents frontaliers et de détourner provisoirement l'attention de l'opinion russe. La détourner des scandales qui touchent alors le Kremlin, évidemment, essentiellement. Hein, car des élections législatives sont prévues pour la fin de l'année. Et le clan Eltsine est en très très mauvaise position. D'accord, mais qui a conçu cette manipulation, comme vous dites alors? Elle résulte sans doute d'un accord entre un oligarque, Boris Berevoski, qui possède quelques intérêts pétroliers en Tchétchénie, et ce chef islamiste Basayev. Un accord où Basayev y a certainement trouvé son compte. Et de l'argent. Ouais. Ouais. Mais l'un et l'autre vont être dépassés par les événements et Vladimir Poutine. Ouais, mais Poutine, alors, lui, quel est son intérêt là? Le Premier ministre qui sait que son camp est en difficulté, surtout face à un Primakov de plus en plus populaire dans le pays, doit agir. Ouais, mais attendez, Est-ce qu'il a déjà personnellement approuvé ces premières escarmouches frontalières ? Berezovsky est alors l'un de ses amis. Et il m'étonnerait fort que cet homme richissime, très proche du pouvoir, n'ait pas agi à l'initiative du Kremlin. Enfin, je poursuis. Poutine ne veut pas d'une petite guéguerre. Pour apparaître comme le sauveur de la Russie, le garant de son unité nationale, il lui faut une vraie guerre. Et rappelez-vous ce qui se passe en Russie au mois de septembre 1999. Les attentats ? Oui, plusieurs bombes qui, à Moscou et dans d'autres villes russes, font des dizaines de morts. Immédiatement, le Premier ministre désigne du doigt les Tchétchènes. Et il apporte des preuves ? Non. Et jamais les services secrets ne pourront établir de lien entre les Tchétchènes et ces mystérieux poseurs de bombes. Enfin, peu importe. Au nom de la lutte contre le terrorisme wahhabite, comme on dit au Kremlin, les chars russes pénètrent en Tchétchénie dès fin septembre. C'est le commencement d'une guerre meurtrière qui dure toujours et qui accable d'abord les civils. Mais Poutine, à la tête d'un parti qui n'existait pas quelques semaines plus tôt, remportera triomphalement les élections législatives. Ouais, puis l'élection présidentielle après la démission de Boris Yeltsin. Au printemps 2000, oui. Mmh. Vous voyez que les choses sont allées très très vite. Ouais. Mais tel que vous présentez les faits, là, on a l'impression que ces bombes ont bien arrangé Poutine. Hein. Et ils ont même permis d'accéder au pouvoir suprême en un temps record. Que voulez-vous ? Les faits sont têtus. Ouais, admettons, mais est-ce que vous allez jusqu'à dire que ces attentats ont été perpétrés à l'initiative de Poutine ? Non, parce que je n'en ai pas la preuve. Mais dans les services, on se pose beaucoup de questions. L'homme qui a été accusé d'avoir organisé les attentats, un nord-caucasien au nom de Kochigayev, a refait surface il n'y a pas si longtemps. Et il a affirmé qu'il avait été manipulé par l'un de ses amis qui appartenait au FSB, l'ancien KGB. Et ça vous paraît crédible ? Oui. Kochigayev donne des détails précis. D'autre part, le général Leben a accusé les services spéciaux d'avoir orchestré cette campagne d'attentats afin de justifier la répression en Tchétchénie. Notez que ce dernier est mort en avril dernier dans un étrange accident d'hélicoptère. Et enfin, Boris Berezovsky, cet oligarque qui a fait campagne pour Poutine et financé sa campagne électorale, l'a clairement accusé d'avoir au moins couvert ces attentats perpétrés par le FSB. Oui, mais ce Berezovsky-là est aujourd'hui fâché avec le Kremlin. C'est vrai, mais ça fait quand même beaucoup d'éléments troublants. Et puis, si on cherche à qui ont vraiment profité ces attentats, on ne peut que penser à Vladimir Poutine, et certainement pas au peuple tchétchène qui n'en finit pas de souffrir. Pour conclure, je me suis reporté à une étude de l'historienne Françoise Thom, parue au printemps 2000 dans la revue Politique Internationale. En voici un extrait. Les 9 et 13 septembre, des explosions meurtrières se produisirent dans plusieurs villes de Russie. Sans la moindre preuve, Poutine accusa les Tchétchènes, retrouvant les accents du procureur Vyshinsky. On ne peut même pas les appeler des animaux, et si ce sont des animaux, ils sont enragés. Même à l'époque, ces attentats parurent suspects à nombre d'observateurs en Russie et à l'étranger. D'autant que le 22 septembre, le FSB s'était fait prendre la main dans le sac alors qu'il installait des explosifs dans un immeuble à Riazan, à 200 km au sud-est de Moscou. Pour Poutine, cependant, la partie était gagnée. Le 23 septembre, la Russie lança une nouvelle offensive contre la Tchétchénie avec le soutien massif de l'opinion publique chauffée à blanc. Fort de son alliance avec les militaires, Poutine était devenu intouchable, au moins tant que durerait la guerre. Il ne nous restait plus qu'à rafler la mise. Et l'historienne ajoute, le parti pro-gouvernemental, créé de toutes pièces en septembre, grimpa en flèche dans les sondages sans qu'il lui fût nécessaire de présenter le moindre programme, sinon l'extermination des Tchétchènes et la revanche contre l'Occident. Le 18 décembre, Poutine put se féliciter sur le ton de la plaisanterie lors d'une réunion des responsables de la sécurité. Un groupe d'officiers du FSB a été secrètement chargé d'infiltrer une organisation criminelle, c'est-à-dire le gouvernement russe, et il a rempli cette première mission avec succès.